By the way, the expression ça fait is one example of the use of the very important verb faire. Faire. To make. Je fais. I make. Je fais. Vous faites. You make. Vous faites. Il fait. He makes. Il fait. Nous faisons. We make. Nous faisons.